السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا إن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد أخي مسلم نورمال je vois ta main levée, tafadhal. Akhi Muslim, est-ce que tu es avec nous ou pas? Akhi Abdelaziz, tu es là ou tu n'es pas là? Bon, Akhi Muslim n'est pas là. Je crois que on va commencer, Inch'Allah Ta'ala. Comme tout le monde sait, c'est qu'aujourd'hui, normalement, il n'y a pas de dars parce que normalement, je devais être en voyage. Et comme c'est reporté, Inch'Allah Ta'ala, je ne laisse pas passer. Il y a une occasion pour faire un petit dars, Inch'Allah Ta'ala, pour que, Inch'Allah Ta'ala, on apprenne au moins quelque chose. Car chaque jour où on n'apprend rien, c'est un jour qui est perdu, mal SS. Chaque jour où on n'apprend rien, rien du haram, rien du halal, rien de la aqida, c'est un jour qui est perdu, mal SS. Ensuite, je ne voudrais pas parler dans la aqida ou le fiqh, ni dans la vie de Adam alayhi salam, parce que tout ce que je dis dans ces trois cours rentre dans le contrôle et dans l'examen qu'il y aura inchallah pour la deuxième fois dans deux mois et demi. C'est pour ça que j'ai préféré, je vais parler inchallah quelques hadiths. Je vais commencer inchallah ta'ala par réviser ce qu'on a dit hier très vite. Ensuite inchallah ta'ala on commence par le nouveau. Le prophète alayhi salam avait dit que أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل قتل نبيا وقتله نبي أو رجل يضل الناس بغير علم أو مصور يصور التماثيل. Il y a pas plus grave et plus grand châtiment demain quand on rencontrera Allah Azza wa Jal comme quelqu'un qui a tué un prophète ou un messager, comme quelqu'un qui a tué un prophète ou bien quelqu'un qu'un prophète a tué. Ça aussi c'est le contraire. Ou bien quelqu'un qui égare les gens sans connaissance. Quelqu'un qui égare les gens sans connaissance. Il dit des choses sans savoir être sûr que c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala, son prophète, que le hadith est sahih, que voilà les ulamas qu'on dit, etc. Il croit que comme ça, yani, c'est simple. Tu lis quelque chose, tu la fais parvenir, ensuite tu expliques comme tu veux toi. C'est pour ça que mal asif. Il y a beaucoup de gens qui s'assoient sur des chaises dans les mosquées, ils n'ont pas d'aim. Seulement, yani, s'ils s'étaient tués, ça aurait été mieux. Pourquoi? Parce qu'ils disent des choses fausses, ils égarent. Comme il y a aussi beaucoup dans les salles d'internet, c'en est plein. Il y a des salles où on dit des choses, yani, si, quand on va avoir une grande responsabilité demain devant Allah subhanahu wa ta'ala. Si sur quelqu'un s'était tué, yani, il n'aurait fait ni péché, ni aurait eu un bienfait. Mais puisqu'il a parlé, il a parlé des choses qu'il ne connaissait pas, celui-là, bien sûr, il aura un grand châtiment et un qiyam. Ensuite, il a dit, « Omusawiru sawiru tamathil ». Ensuite, parmi les plus grands châtiments, le jour du jugement dernier, ceux qui font des statues, ceux qui sculptent des statues. Ça, le hadith, on l'a parlé, on l'a expliqué, Inch'Allah ta'ala. C'est pas la peine d'y revenir. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, « Ashiddu ummati li hubban » قوم يكونون بعدي يود أحدهم أنه فقد أهله وماله أنه رآني. Il a dit, ceux qui m'aiment le plus de tous les gens, ceux qui m'aiment le plus, ce sont des gens qui vont venir après moi, après ma mort. Ce sont des gens qui vont venir après ma mort. L'un de ceux-là, yani, il est prêt à donner, yani, il a même à perdre tous ses biens, toute sa famille, si seulement il pouvait me voir. Des gens qui vont venir, a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, sont des gens capables de, d'accepter de perdre tous leurs biens, tous leurs enfants, toute leur famille, seulement s'ils pouvaient me voir. Seulement s'ils pouvaient me voir. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit aussi, et tous ces hadiths on les a expliqués bien sûr, il a dit que Isma'u li ali Ja'far ta'aman fa inna waqad atahum ma yajriduhum. Quand le cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam Ja'far est mort, le prophète alayhi wa sallam a dit faites à sa famille de quoi manger, parce que yani, cette mort là ça va les occuper, ça va les occuper. Et on a dit que en islam ce sont les voisins qui cuisinent le jour de la mort du voisin, parce que le voisin il est impossible qu'il puisse cuisiner parce qu'il n'a vraiment aucun goût et il ne pourra ni manger ni rien. Et j'ai dit que c'était interdit en islam d'aller s'asseoir dans la maison du mort, d'aller s'asseoir et d'attendre qu'il nous ramène du manger. Mais bien au contraire, c'est la sunna, c'est que toi tu lui prends du manger. Toi tu lui prends du manger, tu lui donnes du manger. Ça, Inch'Allah, c'est la sunna. C'est pas le contraire. Tu vas t'asseoir, tu vas ne pas te lever jusqu'à ce qu'il te serve de manger. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit garantissez-moi 6 choses de vous, je vous garantis le paradis. Et on a expliqué chaque chose hier, des 6. Mais je répète comme ça pour réviser. La première des choses, Inch'Allah ta'ala, si on l'a garanti, l'une des 6, il va Inch'Allah ta'ala nous garantir le paradis. La première, il faut être honnête quand on parle. Il ne faut pas mentir. Quiconque ne ment pas quand il parle, il est honnête. Celui-là, Inch'Allah ta'ala, il a fait l'une des six. Et on a dit hier qu'il y a un verset qui dit innama yuftari al-kadhib alladhina la yu'minuna bi ayatillah wa ulaika humul kadhibun. Allah azza wa jalla dit dans le Coran, font et yani, mentent ou bien sont les menteurs, ceux qui ne croient pas en moi. Alladhina la yu'minuna bi ayatillah, sont les menteurs, ceux qui ne croient pas en mes versets, l'ayat, ou bien en mes signes, ça s'appelle aussi l'ayat. Et ceux-là sont les menteurs. Donc mentir, c'est pas quelque chose de facile. C'est pas quelque chose de facile, parce que certains gens, quand ils s'habituent à mentir, ça devient yani, simple pour eux. C'est comme s'ils n'avaient pas fait, je ne dis pas un péché, mais un grand péché. Mentir, c'est un grand péché, c'est pas un petit péché. Mentir, c'est l'un des grands péchés. C'est comme tuer, c'est comme boire l'alcool, c'est comme faire la fornication. Aussi, c'est mentir. Mentir, c'est pas un petit péché, c'est l'un des grands péchés. C'est pour ça que l'Azog, dans ce verset, il a dit, ceux qui mentent, ce sont ceux qui ne croient pas en moi. La hawla wa la quwwata illa billah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith, 4 signes montrent que quelqu'un est hypocrite. Et des 4 signes, il a dit, quand il parle, l'hypocrite, quand il parle, il ment. Quand il parle, il ment. La hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, atfalul mu'minina fi jabalin fil jannah. Les enfants des croyants, des musulmans, sont sur une montagne dans le paradis. Yakfulhum Ibrahim wa Sarah. C'est Sarah et Ibrahim, alayhi wa nabiyina sallallahu alayhi wa sallam, qui s'occupent d'eux. Tout enfant qui est mort avant la puberté, il parle maintenant ce hadith par des musulmans. Les enfants des musulmans qui meurent avant l'âge de la puberté iront directement chez Ibrahim alayhi salam et Sarah, qui dans un autre hadith a dit yani Ibrahim va leur apprendre le Coran. Ils seront au paradis. Yani ils attendent que ses parents les rejoignent. Il a dit حتى يردهم إلى أبائهم يوم القيامة. Ils seront sur une montagne jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal les rende à leurs parents. Jusqu'à ce que Allah Azza wa Jal fasse mourir leurs parents et ils rendent ses enfants à leurs parents parce qu'ils sont pubères, ils n'ont rien fait. Comme je l'ai dit hier, quelqu'un qui meurt avant la puberté, c'est quelqu'un qui, même s'il a fait des péchés, ça ne compte pas pour lui. Mais s'il a fait des bienfaits, ça compte. Soit pour lui, soit pour celui qui lui a lui a dit de faire, par exemple son père ou sa mère, si c'est elle qui lui a dit de faire la prière avant la puberté, c'est elle qui prend les hasanat. Et mais s'il fait quelque chose de mal ou là, ça ne se marque pas contre lui. Pour montrer son injustice, pardon, pour montrer sa justice, sa grande justice, subhanahu wa ta'ala. Après cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, après avoir parlé des enfants du musulman et quel est leur, leur avenir, maintenant il parle des enfants des kuffars. Les enfants des kuffars. Il a dit, les enfants des kuffars seront le jour du jugement dernier, seront au paradis aussi. Ils seront quoi? Ils seront les serviteurs des musulmans, les serviteurs des croyants. Donc là, même un enfant du kuffar, un enfant de kafir, même s'il meurt avant la puberté, il va, inshallah ta'ala, rentrer au quoi? Rentrer au paradis. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit maintenant, Allah Azza wa Jalla est juste et très juste. Et cet enfant du chrétien, ou là du bouddhiste, ou là du juif, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait, il était jeune. Même s'il a fait, il n'était pas assez conscient. Son cerveau n'était pas assez développé. C'est pour ça qu'en islam, il ne commence à être mukallaf, il ne commence à... on ne commence à marquer contre lui les choses mal. On les marque qu'après la puberté, qu'après qu'il soit pubère. Sinon, on marque seulement les choses yani, qu'il a fait comme bien. Mais les choses qu'il a fait yani, comme mal, ou là il a insulté, ou là il a fait quelque chose, ou là yani, tout ça, ça ne se marque pas tant qu'il n'est pas pubère. La fable de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc même les enfants des kuffars iront inshallah ta'ala au paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith, et ils seront les serviteurs des croyants. Ensuite le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith qu'on avait cité aussi hier, il a dit utlubu istijabat ad-du'a 'inda iltiqa al-juyush. Il a dit, en ce sens, il y a des moments où quand on fait un du'a, une invocation, elle est exaucée. Il y a des moments où quand on fait un du'a, il est exaucé. Parmi ces moments et parmi ces endroits, il y a des moments et des endroits. Parmi ces moments, il a dit, par exemple, quand les deux soldats se rencontrent. Quand il y a la guerre, par exemple, il y a la guerre sainte. Ensuite, les soldats croyants vont se rencontrer avec les soldats kuffars. Ils vont se rencontrer là, c'est la guerre. Alors, il y a les soldats qui arrivent d'un côté et les autres qui arrivent de l'autre. Quand ils se rencontrent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si là-bas tu fais un dua, inshallah ta'ala, il sera exaucé. Et la plupart, bien sûr, des croyants, quand ils voient, sont dans le rang des croyants, et les soldats des kuffars arrivent, bien sûr, la plupart, qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas comme dua, puisqu'il est exaucé? Ils vont dire, Allahumma inna nas'aluka shahada. Ils vont dire, oh Allah subhanahu wa ta'ala, on te demande la shahada. La shahada, c'est-à-dire, c'est de mourir en la cause, en la cause de ton visage, et en la cause de toi, Azza wa Jal. Parce que ce n'est pas dans un endroit pareil qu'on va demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous exauce le vœu d'acheter une voiture ou de construire une maison. Parce que tu es en face de l'ennemi, dans 2 ou 3 minutes, ou là, avant, hein, vous allez vous rencontrer corps à corps. Ensuite, c'est pas là-bas qu'on va penser à ce bas monde. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, nam, il a dit premièrement, lorsque les juyush, lorsque les deux, la force se rencontre, yani, j'ai oublié comment on dit, le juyush, les soldats, lorsque les soldats se rencontrent. Deuxièmement, il a dit, wa iqamat salat. Aussi, quand on fait la prière, quand on est par exemple à la mosquée, il y a d'abord l'appel à la prière, le adhan, ensuite il y a iqamat salat. Lorsqu'il dit qad qamat salat, ça s'appelle iqama. Là, tu fais un dua, inshallah ta'ala, il est accepté. Là, tu fais un dua, inshallah ta'ala, il est accepté. Troisièmement, il a dit sallallahu alayhi wa sallam, wa nuzul al-ghayt. Quand la pluie commence à tomber, elle tombe fort, cette pluie-là, là, si tu fais un dua, inshallah ta'ala, il sera accepté, ce dua, inshallah ta'ala. Maintenant, on va commencer, inshallah, le nouveau. On va commencer le nouveau. Mazal, il reste encore deux ou trois hadiths pour terminer ce qu'on a dit hier, la révision, on commence le nouveau. Inch'Allah ta'ala, je vais enlever quelques points rouges à certains frères et sœurs qui veulent nous aider dans la traduction. Ceux qui veulent, inch'Allah ta'ala, qu'ils le demandent. J'ai peur que... Est-ce qu'il y a quelqu'un, inch'Allah ta'ala, qui veut m'aider pour la traduction? Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith aussi, il a dit اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فقراء. Il a dit, j'ai regardé ce qu'il y avait dans le paradis, j'ai trouvé que la plupart qui sont rentrés au paradis sont des pauvres. La plupart qui sont rentrés au paradis sont quoi? Sont des pauvres. Et j'ai dit pourquoi ce sont des pauvres, car plus on est pauvre, plus le hisab, le jugement sera simple. Plus le jugement sera simple, pourquoi? Parce qu'en principe, on juge quelqu'un sur les choses, sur ses faits et les choses qu'il a faites. Et c'est avec l'argent qu'on fait beaucoup de choses et beaucoup de péchés. Avec l'argent, soit on fait des choses comme l'Azawajal, on construit des mosquées, on construit des hôpitaux, on construit des madaris, des écoles, avec quoi? Avec l'intention que c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, yani, l'argent lui a été bénéfique, alhamdoulilah. Mais la plupart des gens, c'est l'argent qui les fera rentrer à Jahannam ou la Yadoubillah. La plupart des gens, c'est comme ça. Parce que c'est très difficile d'avoir beaucoup d'argent et de rester pieux et de rester dans les normes d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est un peu difficile. Donc les fuqara, les pauvres, seront les premiers à rentrer au paradis, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, ils rentreront 500 ans avant les riches. 500 ans. Pourquoi? Parce que comme j'ai dit, ils n'ont pas rien de quoi les juger. Ils n'ont pas d'argent. Ils n'ont pas de quoi d'argent pour les juger. Ensuite, il a dit, وَطَلَعْتُ فِي النَّارِ فَرَأَيْتُ أَكْثَرَ أَهْلِهَا النِّسَى. Ensuite, le prophète alayhi wa sallam a dit, j'ai vu, j'ai jeté un coup d'œil en ce qui à l'intérieur de l'enfer, j'ai trouvé que la plupart qui étaient dans l'enfer, c'était des femmes. La plupart qui étaient en enfer, c'était des femmes. La femme, bien sûr, peut être parmi les meilleures au paradis et peut être parmi les plus châtiées en enfer. Pourquoi? Parce que si elle veut aller comme l'homme, si elle veut aller adorer Allah Azza wa Jal, elle veut faire la prière à l'heure, elle veut faire le carême, etc. Elle le fait, elle a la même chose que l'homme. Maintenant, si elle veut le côté plaisir, ou le côté tentation, ou là, et ça c'est très facile pour elle, bien sûr, là, si elle va à Jahannam, elle va aller en enfer, il ne faut pas qu'elle dise pourquoi. Il ne faut pas qu'elle dise pourquoi. Là, je lui ai montré le chemin, il lui a dit il y a deux chemins, tu choisis celui-là, je t'aimerai, je te donnerai tout ce que tu veux quand tu me rencontreras, un peu de patience ici, un peu de patience, 20, 30, 40, 50, 60 ans, ça passe très vite. C'est pas maintenant que tu sauras cela, c'est quand tu avant de mourir, quand la personne sent qu'elle va mourir, elle commence à voir les anges venir pour prendre l'âme, sa vie défilera entre ses yeux depuis sa naissance jusqu'à sa mort en une minute. Il dira, subhanallah, je n'ai vécu qu'une minute ou deux minutes. Alors tout va passer très vite. Alors mets dans ton cœur que demain tu vas rencontrer Allah Azza wa Jal, qui va te réjouir de toi, qui va te donner tout ce que tu souhaites. Tout ce que tu souhaites, ou que tu souhaiteras, tout ce que tu n'as pas eu dans cette vie, tout ce dont tu as été privé, toutes les choses que tu as vues, que tu as souhaitées, et que tu disais, celles-là je ne peux pas les avoir, ou les acheter, ou là, tu en auras mieux. Tu en auras mieux le jour du jugement dernier. Donc, et c'est pour ça que le prophète alayhi salam a vu beaucoup de femmes dans le lahar, en enfer, parce que les femmes, ce sont la plupart elles aussi qui poussent les hommes à faire le haram. Mais al-asif, ce sont beaucoup, la plupart du temps, ce sont elles qui poussent les hommes à faire le haram. Et c'est pour ça que plus une femme se retient par peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, plus les ajr et les bienfaits seront grands chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit ce hadith, il a dit, j'ai vu, yani, j'ai jeté un coup d'œil en enfer. Et j'ai vu que la plupart, c'était des femmes. Il a dit, et j'ai vu une femme noire, grande de taille, avec un chat qui l'a griffé, et lui coulait du sang de son visage. J'ai vu une femme grande de taille, noire de peau, et j'ai vu un chat en train de la griffer. Pourquoi? Parce que cette femme, quand elle était dans cette vie, elle avait un chat. Cette femme avait un chat avant de mourir. Le chat n'est pas interdit. Avoir un chat dans la maison, ce n'est pas interdit parce qu'il n'est pas souillé. Ce qui est interdit, c'est quoi? Ce qui est interdit, c'est le chien. Aussi, mais ce qui est interdit aussi, c'est d'acheter le chat. Le chat, si tu ne l'achètes pas, on te le donne, il n'est pas interdit parce qu'il n'est pas souillé et le chien est souillé. Donc cette femme, puisqu'elle avait un chat à la maison, elle l'avait, comment qu'on dit, elle l'avait attaché, elle l'avait attaché, un chat attaché jusqu'à qu'il soit mort. Donc ce chat est mort sans qu'elle lui ait donné à manger, sans qu'elle lui ait donné à manger. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la hiya at'amatuhu. Elle ne l'a ni, elle ne lui a donné, elle ne lui a ni donné à manger, ni l'a libéré pour que, ni l'a libéré de le chat pour que il mange les choses, les rats ou n'importe quoi. Donc toi, tu as un chat, tu lui donnes à manger, ok, alhamdoulillah, le chat est gentil, il vient sur les genoux de quelqu'un, il s'amuse, etc. Alhamdoulillah. Tu ne peux pas lui donner à manger, personne, yani, ne t'oblige à le garder à la maison. Tu lui ouvres les portes et tu le laisses partir, ou tu le donnes à un voisin, ou tu le donnes. Tu ne le laisses pas chez toi jusqu'à mourir. Alors, pour le chat, ça c'est pour le chat, la même chose pour tous les animaux, et la même chose pour celui qui est marié et qui a une femme et il n'a pas de quoi, yani, pour lui dépenser. Il n'a pas des choses. Il ne peut pas lui acheter à manger, il ne peut pas lui acheter des vêtements, il ne peut pas. Celui-là, qu'est-ce qu'il fait? Il ne lui reste qu'une solution, qu'il la laisse partir, moins qu'elle refasse une autre vie. Sauf si elle dit, yani, je patiente et je veux rester, yani, je ne veux pas yani, me séparer. Sinon, l'islam lui permet, quand il n'y a rien à manger et il ne travaille pas, il n'y a rien à manger, l'islam a dit ici, la femme, elle peut demander la séparation pour ne pas mourir de faim. Cheikh Ibn Othaymeen rahmatullah a dit, avant la séparation, on va voir si elle a un niveau ou si elle n'a pas. Si elle a un bon niveau, on va voir aussi. On va dire à son mari, laisse-la travailler. Laisse-la travailler dans un travail qui est halal, qui n'est pas haram. Laisse-la travailler. Il a dit, s'il la laisse, alhamdoulilah, elle n'a plus de raison de demander la séparation. S'il ne la laisse pas, il dit non, elle ne travaille pas, en même temps je ne dépense pas parce que je n'ai pas d'argent. Là, elle fait, yani, comment on dit, elle demande, le tribunal, elle va au tribunal, qui le juge va les séparer entre le tribunal musulman, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Jazakallahu khair. C'est ça ce que j'ai cherché, ce que je cherchais. Elle porte plainte, barakallahu fik, elle porte plainte. Alors là, le qadi, le juge musulman, il va séparer. Car pourquoi? Comme je viens de dire, si un chat, à cause d'un chat, pardon, quelqu'un va rentrer en enfer, qu'en est-il à cause d'un être humain? À cause d'un chat, on peut aller en enfer. Qu'en est-il à cause d'une femme, ni d'une épouse, une femme comme nous? Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك واحسب نفسك مع الموتى واتق دعوة المظلوم فإنها مستجابة. Ensuite le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, adore Allah عز وجل comme si tu le voyais. C'est comme si tu le voyais. فإن لم تكن تراه فإنه يراك. Si tu ne peux pas le voir, au moins n'oublie pas qu'il est en train de te voir. Parce qu'en fait, quand l'essentiel, ce n'est pas que tu le vois, mais que tu saches qu'il est en train de te voir. Quand on sait et on se souvient et on met dans notre cœur qu'Allah Azzawajal est en train de nous voir quand on fait une adoration avec cette chose dans le cœur, que Allah Azzawajal est en train de nous voir, la plupart du temps cette adoration inshallah ta'ala sera parfaite. Et plus on oublie que Allah Azzawajal est en train de nous voir, plus yani, on fait des choses sans sincérité et sans qu'elles soient parfaites. On est bâcle, on bâcle. Pourquoi? C'est comme lorsqu'on sait que le responsable n'est pas en train de te voir. Le responsable de la société où tu travailles, il est parti. Alors là, quand on n'a pas la foi, qu'est-ce qu'on fait? On fait n'importe quoi. Quand le chat n'est pas là, les souris dansent. C'est la même chose. Le responsable n'est pas là, on fait ce qu'on veut. Bien sûr, en islam, on ne fait pas. Mais les gens font. Ils disent qu'il n'est pas là, alhamdoulilah. Quand ils savent qu'il est là, ils essayent d'être parfaits dans leur travail. Maintenant, quand tu sais que Allah Azza wa Jal est en train de te voir, tu as honte et tu essaies au maximum de faire la chose yani, de la meilleure façon pour qu'elle plaise à Allah subhanahu Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, et je n'oublierai pas de dire que il n'y a personne ici dans ce monde qui a vu Allah Azza wa Jal ou bien qu'il verra. La yujadu ahadun abadun fi hadhihi ad-dunya ra Allah Azza wa Jal ou sayara. C'est impossible. Au point que l'Albani alayhi rahmatullah, dans un hadith sahih, il a dit que lorsqu'on sera dans la tombe et que Nakr ou le Munkar viendront pour nous poser des questions, il y a un hadith sahih où il y a une quatrième question. La première question, il a dit man huwa rabbuk, c'est qui ton Dieu? La deuxième question, man ar-rajul alladhi bu'itha fikum, quel est l'homme qui a été envoyé en votre temps? Hein, certains diront Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les autres diront Isa, les autres diront Moussa. C'est d'après quand est-ce qu'il a vécu. La troisième question, Mahoua Dinouk, c'était la deuxième ou la troisième, Mahoua Dinouk, c'est quoi ta religion? Et la quatrième question, celle que l'Albani a ajoutée, il a dit, c'est un hadith sahih, ils te diront aussi, هل رأيت ربك؟ هل رأيت الله؟ Est-ce que tu as vu Allah subhanahu wa ta'ala? Et quiconque répondra que نعم je l'ai vu, ça veut dire que c'est négaré. إذا أجاب الإنسان بنعم بأنه رأى الله عز وجل فهذا دليل قطع على ماذا؟ على دلالته وأنه كان على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. Donc c'est très grave si quelqu'un dira dans la tombe que j'ai vu Allah عز وجل. Mais ce qui est malheureux, c'est que certains, même dans cette vie, croient qu'ils l'ont vu. Mais Al-Sunnah al-Jama'a disent, par contre, on peut voir Allah Azza wa Jal dans les songes. Ça, c'est le madhhab Al-Sunnah al-Jama'a, que Allah Azza wa Jal, قد يرى في المنام. C'est le madhhab Al-Sunnah al-Jama'a, أن الله عز وجل قد يرى في المنام. لكن لا يرى رؤية عين. Mais on ne va pas le voir comme on voit quelqu'un. Comme on voit mon père, comme je vois mon oncle. Mais c'est seulement quelque chose que tu sentiras dans ton cœur. Tu sentiras que, par exemple, dans ton cœur, que quelque chose, Yaniagda, commence à trembler ton cœur ou là. Tu sentiras, par exemple, que Allah Azza wa Jal, par exemple, est réjoui de toi, ou des choses en ce sens. Mais voir comme ça Allah Azza wa Jal dans son image, ça ne sera que le jour du jugement dernier dans le paradis. Le jour du jugement dernier dans le paradis. Et aussi, il y a aussi le mawqif pour les croyants seulement. Et aussi, lorsqu'il viendra à l'azul pour faire le jugement, ça, ne le verront que les croyants dans son vrai image. Les munafiqoun et les autres le verront, mais pas dans sa vraie image, Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, واتقي دعوة المظلوم فإنها مستجابة واتقي دعوة المظلوم فإنها مستجابة. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit il craint l'invocation, le dua du mazloum, de l'opprimé. Craint le dua de l'opprimé, pardon, parce que elle est mustajaba. Mustajaba, ça veut dire que son invocation est exaucée. Quand quelqu'un on l'a opprimé, s'il fait un doua, son doua va être exaucé. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, crains son doua. Attention, son doua, pourquoi? Parce qu'il va être exaucé. Et dans un autre hadith, il a dit, اتقوا دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإنه ليس دونها حجاب. نعم حديث حسن سلسلة صحيحة. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit attention, craignez le doua, craignez l'invocation de l'opprimé, même s'il est kafir, même si c'est un mécréant, même si c'est un mécréant, فَإِنَّهُ لَيْسَ دُونَهَا حِجَابٌ. Il n'y a pas entre son invocation et Allah Azza wa Jal, il n'y a ni voile ni barrière. Elle va monter directement vers Allah Azza wa Jal. Alors attention à ceux qui, ceux les pauvres, les masakin, qui croient que le kafir Allah, tu peux par exemple, tu peux lui faire du vol, tu peux être injuste avec lui et tu peux le voler, comme font beaucoup de, je ne dis pas de frères, mais beaucoup de musulmans qui rentrent en Europe dans les marchés, dans les grandes galeries, etc. Et ils volent des choses, ou là ils rentrent dans un grand magasin, ils volent des choses. Se basant sur quoi? Se basant que, que c'est un kafir. Alors le kafir, on peut le voler, on peut tout faire, c'est permis. Ceux qui ont dit ça, ce sont des menteurs. Ce sont des menteurs, car Allah Azza wa Jalla n'a pas permis cela. N'a pas permis, impossible, au grand jamais de voler. Ni un kafir, ni un autre. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Mughira ibn Shu'ba radiallahu ta'ala anhu, lorsqu'il avait fait, il était rentré en islam, qu'est-ce qu'il a fait Mughira ibn Shu'ba lorsqu'il est rentré en islam? Il est parti au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec un sachet ou quelque chose comme ça, plein d'argent. Il lui a dit, je suis venu pour rentrer en islam, en même temps cet argent je l'ai pris au kuffar. Il a cru que c'était quelque chose qui se faisait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, l'islam on l'accepte, l'argent on ne l'accepte pas. Subhanallah al-Azim. Donc notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne dit pas c'est des kuffars, l'argent des kuffars, donne l'argent des kuffars. Non, l'argent des kuffars aux kuffars, et l'islam on l'acceptera de toi inshallah ta'ala. Donc même salam wa barakatuh. Donc même un kafir, quand il fait un dua, il faut prendre garde. Pourquoi? Parce que si l'Azor va lui exaucer, ça veut dire que tu vas avoir beaucoup de machakin à cause d'un kafir. Et j'ai dit hier, parce que je suis en train de refaire ce que j'ai dit hier, car hier, quand j'ai fait le DOS, j'avais dit que je ne serais pas là aujourd'hui. Mais malheureusement, ça a été reporté, donc je répète seulement ce que j'ai dit hier pour que ça ne rentre pas dans le cours, pour que je ne commence pas de nouveau. Donc, ceux qui disent que Allah Azza wa Jalla a dit dans le Coran, وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ, ils vont te dire, Allah Azza wa Jalla a dit que l'invocation des kuffars, c'est dans l'égarement. Yani, ça ne marche pas s'ils font une invocation. On dit, ça, tu as dit vrai, mais tu as dit faux. Tu as dit vrai parce que c'est quelque chose qui est dans le Coran. Tu as dit faux parce que tu as dit ta tête. Et tu n'as pas ouvert les livres des ulama et des tafsir pour dire qu'est-ce que ça veut dire ce verset. Quand tu vas voir qu'est-ce que ça veut dire ce verset, ça veut dire que l'invocation des kuffars et ton égarement ne sera pas accepté le jour du jugement dernier. Mais ça s'appelle l'âme al-makhsous. L'invocation des kuffars en général n'est pas acceptée, mais sauf s'il est madloum. S'il est madloum, s'il est opprimé, le mécréant fait un doua, Allah Azza wa Jal va lui exaucer son doua. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, voilà, je crois que, là, on va commencer, inshallah ta'ala, le premier hadith. On va commencer, inshallah ta'ala, le premier hadith d'aujourd'hui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ubudur Rahman, wa afshu salam, wa at'imu ta'am, tadkhulu al-jinan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va nous montrer certaines choses. Si on va les faire, inshallah ta'ala, on va rentrer au paradis. Quelle est la première des choses? Il a dit, U'budu ar-Rahman. Adorez Allah Azza wa Jal. Adorez Allah Azza wa Jal. Ensuite, il a dit, Ufshu salam, ça veut dire dites salam, etc. Mais pourquoi il a commencé par U'budu ar-Rahman. Pour te dire que se trompent beaucoup ceux qui Par exemple, ne font pas la prière. Ne font pas la prière. Et tu disent quoi? Ils disent, moi, l'essentiel, Allah, l'essentiel, moi, je fais carême. L'essentiel, moi, je donne de temps en temps un peu de l'argent, je donne de l'aumône. Et essentiellement, je suis, Allah, c'est Azza wa Jal que je suis très gentil. Je ne suis pas le genre qui frappe les gens, ou là, qui est injuste avec les gens, ou là, qui opprime les gens. Ou là, moi, alhamdoulilah, je ne fais de machakil à personne. Je n'ai jamais tué quelqu'un, je n'ai jamais... On lui dit ça, barakallahu fik, pour tout ce que tu as dit. Mais la première condition, c'est d'adorer Allah Azza wa Jal. Nous, pourquoi nous a-t-il créé? Pourquoi nous a-t-il créé? On va revenir au Coran. N'a-t-il pas dit Allah Azza wa Jal, « Ma khalaqtul jinna wal ins illa li'abudun » Allah Azza wa Jal n'a pas dit dans le Coran que « Je ne vous ai créé, je n'ai créé les jinn wal ins » les shayatins et les djinnado plus vous, les créatures humaines, je ne vous ai créé que pour mon adoration. Nous tous, on n'a été créé que pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Seulement pour ça. Tout ce qu'on fait en dehors de ça, c'est juste pour nous aider. Hein? On doit par exemple travailler pourquoi? Pour acheter de quoi manger. Pourquoi tu manges? Pour ne pas mourir, et donc pour vivre, et donc pour faire la prière et adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu fais de droite à gauche, ça doit revenir toujours à quoi? À adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ceux qui mourront sans avoir adoré Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'ils seront les grands perdants. Ils seront les grands perdants. Ceux qui mourront sans avoir être rentrés en islam, être rentrés en islam, ceux-là, ce seront les grands perdants, les grands perdants. Là, Zawjil leur dira, chaque fois j'envoyais un nouveau prophète, à chaque fois je disais, après celui-là, quand ce prophète va mourir, vous suivrez, s'il y a quelqu'un qui vient, vous suivrez celui qui viendra après. Là, Zawjil, c'est comme s'il veut dire, si vous croyez en celui-là, c'est moi qui l'ai envoyé. Pourquoi donc n'allez-vous pas croire au deuxième qui va venir alors que c'est toujours moi qui l'ai envoyé? Et toi, celui qui ne croit pas, on lui dit, toi, ça t'intéresse pas qui a été envoyé. Mais ce qui intéresse, c'est l'envoyeur. C'est Allah Azza wa Jal qui a envoyé. Allah Azza wa Jal l'a envoyé de la personne, on doit la suivre. On ne va pas dire pourquoi cette personne n'est pas, par exemple, pourquoi par exemple cette personne c'est un arabe, pourquoi c'est un juif, pourquoi ça ne nous regarde pas. Ce qui nous regarde, c'est que là j'ai envoyé une personne et il a dit cette personne, il faut la suivre. Donc ceux qui ne l'ont pas cru et ceux qui vont mourir, surtout en notre temps, vont mourir, non musulmans, Allah et ceux-là, quand on pense à eux, normalement on a un pincement dans le cœur de voir quelqu'un comme ça devant nous. Et on sait que celui-là, quand il va mourir, il va rentrer en enfer pour ne plus ressortir. La hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. C'est très très difficile. La même chose pour les musulmans. Ceux qui ont dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ensuite, ils n'ont pas fait la prière. Celui-là aussi, c'est très très dangereux pour eux. C'est très très difficile pour eux quand ils vont rencontrer Allah Azza wa Jal. Car la première chose que Allah Azza wa Jal demandera, c'est la salat. La première chose, quand tu arriveras chez Allah subhanahu wa ta'ala, il te dira, donne-moi la salat, je vais la voir. Si elle est bien, elle est correcte, elle était en l'heure, en son heure, elle était avec le khushu, elle était dans les normes, alhamdoulilah. Allah Azza wa Jal va partir, va te demander, la deuxième chose, va te demander zakat. Si la salat n'est pas bien, ou la contenait quelques erreurs, ou l'a été un peu embrouillé, etc. L'Azawajal demandera aux anges de faire venir la nafila, les nawafil que tu faisais. Tu faisais 12 par jour, ça? 12 rakat nafila par jour. Certains en font 6, 4. C'est d'après ce que tu peux, Inch'Allah Ta'ala. La sunna, la vraie, c'est d'en faire au moins 12 par jour. Alors, la prière, puisque l'obligatoire avait un peu de problème, maintenant, alhamdoulilah, on va te rapporter la nafila que tu faisais. Pourquoi? Pour réparer l'obligatoire. Ou bien disons, l'obligatoire, disons qu'elle ressemble à un vêtement, une veste par exemple, qui a été trouée. Trouée parce que il n'y avait pas de concentration, et tu la faisais un peu vite, etc. Maintenant, alhamdoulilah, ils vont te ramener la nefila, qui sera aussi d'autres vêtements. Donc tu vas prendre ce vêtement et tu vas coudre un morceau pour remplir le vide qu'il y avait dans l'autre. Ce jour-là, lorsqu'on te ramènera la nafila, tu diras Alhamdulillah, hada fadl min Allah azza wa jalla, Alhamdulillah que je faisais la nafila. Imagine que je faisais pas la nafila. Je m'arrêtais seulement au subh, dhuhr, asr, maghrib, isha. Maintenant, comment tu vas faire? Comment tu vas faire lorsqu'on va te ramener un vêtement troué? On va te ramener une jupe comme ça, avec un grand trou au milieu. Comment tu vas faire? Il n'y a rien là-bas pour essayer de coudre ce vêtement, sauf si tu as la nafila. C'est pour ça, n'oubliez pas mes frères et mes sœurs, n'oubliez pas la nafila, barakallahu fikoum, elle est très très importante. La nafila, elle est très très très importante. Donc ceux-là, ceux qui vont mourir sans avoir fait la prière, beaucoup de ulama ont dit ce sont des kuffars. Beaucoup de ulama ont dit ce sont des kuffars. Et d'autres ont dit, s'il l'a laissé paresseusement seulement, parce qu'il était paresseux seulement, mais dans son cœur, il savait c'était grave ce qu'il faisait, et il savait, c'était un grand péché, etc. Ceux-là, ils ont dit, il n'est pas kafir, mais ils sont tous d'accord pour dire que lorsqu'il rencontrera Allah Azza wa Jalla, ce ne sera pas facile. Voilà. Ce ne sera pas facile quand il va rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, il a dit, wa afshu salam, ça ne veut pas dire dites salam alaykum. Afshu salam, c'est plus que cela. Afshu salam, ça veut dire tu le dis beaucoup. Ça dit salam alaykum. Tu le dis beaucoup. Tu le dis, yani, comme certaines personnes, par exemple, quand ils sont par exemple dans la maison, ils ne savent pas que quand tu es dans ta maison, je parle à la radio. Quand tu rentres d'une pièce à une autre, tu dis salam alaykum à ceux qui sont dans l'autre chambre. Ça, c'est afshu salam. Je suis dans la cuisine. Je sors, je vais dans l'autre chambre, il y a ma femme. Quand je rentre, je lui dis salam alaikum. Ensuite, je vais de l'autre côté, je sors, je dis salam alaikum. Afshu salam. Quand tu rencontres quelqu'un, salam alaikum. Ensuite, il rentre chez l'épicier, il ressort, il te dit salam, tu lui dis salam alaikum. C'est comme ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith sahih, il a dit même quand deux musulmans sont en train de marcher dans la rue, il a dit si, par exemple, il y a un arbre qui va séparer entre eux, quand ils se rencontrent après l'arbre, il est recommandé de dire salam alaikum. Je suis en train de marcher avec un ami sur le boulevard. Ensuite, il y a quelqu'un qui va rentrer entre moi et mon ami sans le vouloir. Ou même s'il le veut. Ensuite, quand je rencontre mon ami, je lui dis encore une fois salam alaikum. Il me dit alaikum salam wa rahmatullah. Je veux traverser avec ma femme, on veut traverser la rue. Ensuite, moi j'ai pu traverser, elle n'a pas pu. Ensuite, elle me rejoint après. Une minute, un dit salam alaikum, je dis alaikum salam, et ainsi voilà, afshu salam, c'est pas tu dis salam alaikum une fois par jour ou là une fois le matin et une fois le soir. Ça c'est très important, car c'est dans le hadith où il a cité quatre choses. Il a dit si tu fais les quatre choses celles-là, pardon, trois choses, si tu fais ces trois choses, inshallah ta'ala, tu rentreras au paradis. La première, il a dit u'budur rahman, la deuxième, il a dit afshu salam. Afshu, c'est mine fouchou, ça veut dire faites-le diviser, faites-le propager, Hadou Salam. Faites-le marcher tout le temps, tout le temps. Dites-le à chaque instant. Dites-le. Voilà ce que ça veut dire, Hadou Salam. C'est pas dire une fois Salam de. Une fois. Répondez. Non, mais si répondre au Salam. Plus que répondre. Non, ce n'est pas répondre. Tu réponds au Salam. C'est quand quelqu'un te dit Salam, toi tu lui réponds. Ça c'est répondre, barakallahu fik, répondre. Non, répondre le salam, il faut le répondre au maximum. C'est pas répondre avec O, quand quelqu'un te dit salam, tu dis alaykum salam. Répondre avec A, ça veut dire, tu le fais marcher partout, le salam là. Quand tu fais ça, inshallah ta'ala, tu as un grand ajr. Ensuite le prophète a dit, wa at'imu ta'am, at'imu ta'am. Ça, maintenant c'est très rare, sont les gens qui font it'am ta'am. C'est très rare. Et ta'am, ça veut dire que par exemple, quelqu'un par exemple qui a de l'espace chez lui par exemple, il peut par exemple, il se dit, par exemple chaque vendredi ou là, chaque jeudi ou là, j'invite des gens pour manger. j'invite des gens pour manger. C'est pour ça qu'on disait que Cheikh Ben Baz, Allah rahmatullah, Cheikh Ben Baz, qu'est-ce qu'il il a fait, Inch'Allah, il a beaucoup de choses dans sa vie. Mais l'une des choses qu'il faisait, que peut-être beaucoup n'ont pas fait, c'est quoi? C'est qu'il avait, sa maison, pas sa maison, pardon, il avait une, yani de ses pièces, il avait une de ses pièces à longueur d'année, tous les jours. Aujourd'hui, demain, après, à longueur de l'année, ouverte pour les gens qui veulent manger. Il y a un cuisinier ou les deux, je ne sais pas si sont des hommes ou des femmes là, il y a un serviteur là qui est à l'intérieur, qui t'attend. Quiconque passe et veut manger, la porte est ouverte et le repas est prêt. Chaque jour, c'est ouvert. Attends, Moutam, est-ce que quelqu'un de nous peut faire cela? Jamais pourra le faire, sauf si Allah subhanahu wa ta'ala, il le guide. Mais est-ce qu'on peut faire par exemple cela nous, une fois tous les trois mois, tu fais Itam Ta'am, est-ce qu'on peut le faire? Itam Ta'am, si on n'est pas comme croient certains, on va inviter nos amis, on va inviter les riches. Quand on fait des invitations, comme a dit le prophète Ajassoulam, il a dit que quand vous faites des par exemple vous avez un mariage, vous faites quelque chose comme ça, vous invitez des gens, il a dit la plupart du temps vous êtes en erreur. Pourquoi? Parce qu'il a dit vous invitez les riches et vous laissez les pauvres. Naam. Moi si je veux faire quelque chose à la cause d'Allah, qui je vais inviter, le riche ou le pauvre? J'invite le riche qui mange 5 à 6 plats le matin, 5 à 6 plats le soir, variés, et 2 ou 3 sortes de fruits. Ou là je vais inviter celui qui, le skin, il mange la viande une fois tous les 2 mois. Et il mange les fruits une fois tous les 3 mois. Qui je vais inviter? Si j'invite le riche, ça veut dire que je ne l'ai pas fait pour à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si j'invite le pauvre, ça veut dire que voilà, c'est une preuve que j'ai invité à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai aucun, la preuve, où est la preuve? La preuve, je n'ai aucun intérêt avec le pauvre. Le pauvre, quand il va venir manger, je n'ai aucun intérêt avec lui. Il ne va pas me donner de l'argent, il n'est pas une grande responsabilité, il n'est pas un responsable dans une société, il ne peut pas me faire travailler, il ne peut pas m'aider, c'est un pauvre, la plupart des pauvres, certains, c'est rien. Mais les gens invitent les riches, pourquoi? Pour qu'ils aient demain, s'il a besoin de lui, il peut aller lui rendre service. Donc il ne l'invite pas pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a invité pour des intérêts. C'est une invitation d'intérêt. C'est pour ça que vous remarquez, hein, on remarque. Je suis très désolé de cette remarque, mais elle est vraie. Astaghfirullah, tu voulais. Quand quelqu'un est riche, il invite seulement les riches et il fait des cadeaux aux riches. Subhanallah, il fait des cadeaux aux riches. Non, le riche qui n'a pas besoin d'argent ni de cadeaux. Celui-là, s'il a quelque chose, il a fait une circoncision à son fils ou là, on lui prend les grands cadeaux, les plus beaux cadeaux. Et si le pauvre miskin Hadak qui a fait la circoncision à son fils, il t'invite, il te dit tu es invité, on ne lui donne rien. Au lieu de que ce soit le grand cadeau au pauvre, et le riche il n'a même pas besoin de cadeau. Mais non, allez, fais-lui un cadeau. Mais le vrai cadeau, c'est au pauvre qui n'en a pas. Nous, on fait le contraire. Pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que nos relations avec les gens sont guidées d'après nos intérêts. Ils n'ont pas guidées par d'après ce que Allah Azzawajal aime et n'aime pas. Non. Nous, elles sont guidées d'après nos intérêts. Et les gens qui font comme ça, bien sûr, Allah Azzawajal ne les aime pas. Car nous, on a été créés pour adorer Allah. Adorer Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pas seulement tu fais la prière, tu dis salam alaikum, ensuite tu fais ce que tu veux. Ça, tu n'as pas encore adoré Allah Azzawajal, tu as fait la prière. Adorer Allah Azzawajal, c'est dans toute ta vie, tu ne fais que ce que Allah Azzawajal aime. Et tu t'éloignes tout le temps de ce que Allah Azzawajal n'aime pas. Si tu fais cela, tu as adoré Allah Azzawajal. Mais si tu crois que tu fais la prière, tu dis salam alaikum, après tu fais ce que tu veux, tu manges ce que tu veux, tu vas où tu veux, tu dis ce que tu veux, ça, tu n'as pas donc encore bien compris l'islam, mon frère et ma soeur. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, si vous faites cela, vous rentrerez le djinnan, les paradis, c'est pas le paradis. Vous rentrerez au paradis, O avec X, vous rentrerez au paradis. Pourtant, ce sont des choses très simples. C'est difficile, afshou salam, de répondre salam alaikum, de dire beaucoup salam alaikum. C'est difficile, c'est pas difficile. Et pourtant, beaucoup de gens, quand ils se rencontrent, ils disent pas salam alaikum. Ils disent salut, salut. Et quand ils se quittent, ils disent salut, ou bien ils disent bye. Bye ou bien bye bye, ou la bye bye, ouais, je sais pas comment on le dit. Ils disent salam, ils disent pas salam alaikum, ils disent salut, ils disent bye, ou la salut. Alors que ça, bien sûr, un vrai musulman, c'est pas ces deux termes qu'il va employer. Le mot salut, si je le dis, je le dis à un kafir. Je le dis pas à un musulman. Je lui dis salam alaikum, car salam, kalimat salam, c'est un nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Un nom d'Allah. Je voudrais pas toi quand te nomme Magda avec ton prénom, devant les gens on dit X avec ton prénom. Ils ont dit on n'était pas présent, etc. Parce que c'est de ma faute, moi. C'est moi qui suis venu. Alors que normalement aujourd'hui je devais être en voyage. Abou Abdelaziz, est-ce que tu m'entends, dis-moi oui. Frère Abdelaziz, si tu m'entends, dis-moi oui. Écris-moi un, pardon. Ah, Nam, sauf ce dont on parlait hier, du site, etc. Sauf si aujourd'hui, par exemple, il y avait ce qu'on voulait faire. Nam, à l'instant, on vous parlait de ça. Sauf si, s'il y avait le site là. Aujourd'hui, tout le monde aurait su qu'il y a un DAS. Pourquoi? Ils seraient rentrés dans le site, ils auraient trouvé quoi? Message. Je ne suis pas, mon voyage a été reporté. On a un DAF ce soir. Sauf l'avantage du site, Inch'Allah Ta'ala. Inch'Allah Ta'ala, dans 5 minutes, juste, j'ai une petite chose à faire. Dans 5 minutes, Inch'Allah Ta'ala, on se rencontre pour les questions. Subhanak Allahumma bihamdik, shahadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Je voudrais d'abord, Inch'Allah Ta'ala, que. Nam, Suleyman, Nam, Jazakallahu Khairan. Barakallahu Fik. Je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que les questions soient, Inch'Allah Ta'ala, soient d'abord celles qui ont rapport au DAS. D'abord celles, Inch'Allah Ta'ala, qui ont rapport au DAS. Ceux qui n'ont pas, Inch'Allah, des rapports, ceux qui n'ont pas des questions, qui ne sont pas rapport au dars, Inch'Allah Ta'ala, ils baissent la main jusqu'à ce qu'on termine ceux qui ont rapport avec le dars. Naam Suleyman, Naam, Inch'Allah Ta'ala, Naam. Je ne sais pas si je vais faire maintenant ou après. Inch'Allah, moi, je vais passer le message, je sais que. Non, toi tu dis que Inch'Allah Ta'ala, après la fin du dars, Inch'Allah Ta'ala, on va aller au PV, Inch'Allah Ta'ala. Je disais, non, muslim normal, hayyakallah, tafadwal, barakallahu fi, muslim normal, tafadwal, hayyakallah. Walaykum salam, juste pour annoncer, vous dites que le site que vous avez donné hier sur le salon pour enlever le plus de poisson, qui est un site de Hizbi, il y a un site de Cheikh Islam, Mohamed Abdel Wahab. L'imam salafi, Allah musta'an, Allah musta'an, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali al-azim. Je ne sais pas quelle est cette sœur, je crois que c'est une sœur qui a fait passer ce site. Naam, la hawla wa la quwwata illa billah. Allah, je ne sais pas quelle est la solution. Je ne sais pas quelle est la solution. Parce que quand quelqu'un te dit, je vais, donne-moi, c'est des ahbash. Naam, qaddar Allah ma shafa, qaddar Allah ma shafa. Parce que quand quelqu'un te dit, je veux parler, tu lui donnes l'occasion, maintenant tu sais pas ce qu'il va mettre comme un lien, ou là il va insulter, ou là. C'est pour ça que quand je vois une main, non, quand je vois une main, que je connais pas, avant de lui donner l'occasion, je fais d'abord un doigt, parce que je sais pas lorsqu'il va dire ou lorsqu'il va faire ou lorsqu'il va nous insulter. المهم جزاك الله خيرا بارك الله فيك جزاك الله خيرا بارك الله فيك الاخت شيراز تفضلي بارك الله فيك concernant le salam est-il suffisant de dire simplement salam ou faut-il dire localement on dit salam alaykum نعم au moins on dit salam alaykum au moins on dit salam alaykum au moins كلمه عليكم parce que beaucoup se sont parce que le hadith a dit quel est le dalil نعم parce que le hadith a dit celui qui dit salam alaykum aura 10 hasanat. S'il dit rahmatullah, il aura 20. S'il dit barakatou, il en aura 30. Donc s'il y avait un ajr avant cela, il aurait 10. Ça veut dire il n'y a rien. Il faut que tu dises salam alaykum, tu as 10. Il n'y a pas un dalil qui dit tu dis salam seulement, tu as quelque chose. Voilà le dalil. Parce que beaucoup de gens se sont pas habitués à qu'ils mettent salut. Ensuite, ils ont seulement une sorte de traduction du salut, salut pas directement salam. Mais le vrai c'est de dire inshallah ta'ala assalamu alaikum. Et c'est toujours même dans le Coran, salam al mursalin, salam ala kada. Wallahu ta'ala a'lam. C'est que barakallah. Car Hakim inshallah prépare ta question. Naam, Okhtiras, un ange. Naam, mais les ulama ont dit que salam là-bas, ce n'était pas dans le sens de le faire la salutation. Salam, c'est dans le sens de yani, quand il n'y aura pas, inshallah ta'ala, de problème. Quand on dit, quand par exemple, Allah Azza wa Jalla dans le Coran, Salamun alaykum, la nabtari al-jahilin. Salamun alaykum, la nabtari al-jahilin. Ça ne veut pas dire qu'ils leur ont dit salam alaykum. Ils leur ont dit, yani, entre nous et vous, yani, il n'y a pas de problème, là, nous on n'aime pas ces choses-là, et ils partent, ils les laissent. قالوا السلام عليكم لا نبتغي الجاهلين ce n'est pas ça veut dire ça veut pas dire ici qu'ils ont dit السلام عليكم c'est pas la salutation نعم حكيم كا تفضل بارك الله فيك de toute façon si je trouve quelque chose dans l'autre sens inshallah ta'ala je te le dirai quelle est l'heure du vendredi où les invocations sont exaucées نعم l'heure du vendredi où les invocations sont exaucées c'est l'heure où Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam. Et Allah Azza wa Jal a créé Adam alayhi salam après la prière du Asr. Donc entre la prière du Asr jusqu'à la prière du Maghrib, plus tu vas vers le Maghrib, plus les prières sont exaucées jusqu'à ce qu'il fasse l'appel de la prière du Maghrib. Donc c'est cette heure-là qui est inshallah ta'ala exaucée de la prière du Asr. Surtout quand il commence un peu, yani, le soleil commence à jaunir, à devenir jaune ou bien un peu rouge, jusqu'au Maghreb, Inch'Allah ta'ala. Fika barakallah, Akhi Saïd, tafaddal, 91, tafaddal. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'aurais voulu savoir si ma femme pouvait faire sa prière sur le bord de la route derrière moi. Le couple n'étant pas en voyage, juste dans un endroit, il n'y a pas de mosquée à l'heure de la Sarbat, je la vous garder par mes intimes. Naam, je l'ai dit déjà une fois, qu'une femme, quand c'est dans un endroit, par exemple, il n'y a pas de mosquée, ils sont dans un chemin ou là, dans une route, ou là, ils s'arrêtent, qu'est-ce qu'ils font? Elle peut faire la prière, par exemple, derrière la voiture. Naam, derrière moi, ou là, derrière la voiture, par exemple, dans un endroit, de façon à ce que quand, par exemple, elle s'incline et quand elle est en soujoud, yani, elle est un peu cachée. Yani, quand on passe, on ne la voit pas. Maintenant, si elle est obligée, par exemple, il n'y a pas comment, au moins, si elle s'incline ou là, elle se prosterne, qu'elle soit yani, en face des gens avec son visage, pas avec son dos. Hein, pas avec son dos. Donc préférence par exemple s'il y a une voiture ou là elle se met derrière ou là derrière un homme par exemple lui il est assis derrière lui Inch'Allah ta'ala ce n'est pas grave Inch'Allah ta'ala Fikabarak Ilham 19 tafaddal Ilham j'attends Inch'Allah ta'ala ta question Ilham tu n'as pas de point rouge je t'ai enlevé le point rouge il n'aime que tu enlèves le point rouge peut-être qu'elle n'est pas dans la salle Om Hajar, ça fait d'aller Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh wa makhiratuh que répond-on à un kafir qui dit seulement salam et non salam alaykum? Et pouvez-vous nous rappeler là ma'na approfondi du salam mis à part la salutation? La ma'na approfondie du salam. Je n'ai pas très bien compris la fin du soual. Ah, le sens approfondi du salam. Mis à part la salutation. Non, quand tu as un kafir, tu as dit un kafir qui dit seulement salam, tu réponds seulement salam. Tu dis salam, tu dis salam. Parce que ça, tu ne le fais pas pour la salutation, tu le fais pour lui rendre ce qu'il t'a dit, c'est tout. Si tu dis salam alaikum, tu dis wa alaikum. Tu dis wa alaikum. Maintenant, pour en ce qui concerne le sens approfondi de salam, j'avais dit d'abord que salam, c'est le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et salam, le vrai sens, son sens, c'est un littéraire, c'est que pourquoi on a dit à quelqu'un salam, ou il y a salam, pour qu'il y ait entre lui et moi sécurité. Quand je rencontre quelqu'un, peut-être qu'il a peur, si je dis salam, ça veut dire que, khlas, je ne vais pas le frapper, ou le tuer, ou là, il faut, yani, tu es en sécurité. Tu es en sécurité. Voilà ce que ça veut dire, le vrai sens de salam. Naam. Allah ta'ala alam. Quel est le jugement d'un couple qui donne un prénom Kabil ou Shaoui par exemple à son enfant qui n'a pas de référence au din ou Barakallahu fikoum? Naam. Celui qui donne un prénom Shaoui ou la Kabil ou la n'importe quoi, si ce prénom yani, n'est pas un prénom qui veut dire quelque chose de haram ou là quelque chose, par exemple, de qu'est-ce qu'il y a. Parce que les prénoms de qu'est-ce qu'il y a, ils sont aussi interdits. Un prénom qui fait croire que on est allé quelque chose. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait changer le prénom de deux femmes, Zainab et une autre. Pourquoi? Elle s'appelait Barra. Et Barra, ça veut dire du mot Bar, ça veut dire c'est la pieuse. Alors il a dit, Bel anti Zainab. Anti Zainab. Ça veut dire que quelqu'un ne doit s'appeler ni de façon à se vanter par un prénom, ni un prénom qui n'est pas bien, ni un prénom qui n'est pas bien. Donc si c'est un prénom normal, qui ne fait pas mal, il a un sens correct, Inch'Allah Ta'ala, ce n'est pas interdit. Mais on ne doit pas oublier, Inch'Allah Ta'ala, que le vrai musulman, le vrai croyant, aimerait bien qu'il appelle son fils avec des prénoms que Allah Subhanahu Wa Ta'ala aime. Et les deux meilleurs prénoms que l'Azul aime, Abdullah ou Abdurrahman. Abdullah, Abdurrahman. Wa jazakillah khairan. Ahlu sunnah, tafadhal. Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà le conflit des enfants. C'est une petite plainte. Voilà le conflit des enfants. Mais ceci, une petite plainte dans les lois belges, ils ont droit à l'avoir un certain nombre de week-ends. Ils ne savent plus comment réagir car ils refusent une menace. Vous pouvez leur donner un conseil, Inch'Allah, pour que vous fassiez compte. C'est moi le musulman. J'ai une sœur qui... Ah, voilà la première question. On commence par là. J'ai une sœur. D'abord, est-ce qu'il y a le sang? Je ne sais pas s'il y a le sang. Je ne vois pas le sang en train de marcher. Est-ce qu'il y a le sang, pour que vous fassiez compte? Il y a. Non. Donc la première question, elle commençait par... J'ai une sœur qui est mariée avec un converti et ils ont un enfant. Les parents de son mari ne sont pas musulmans et ils boivent devant l'enfant et le couple. Et le couple ne voulait plus leur confier leurs enfants, mais ceux-ci ont porté plainte dans la loi belge. Ils ont droit à l'avoir un certain nombre de week-ends. Ils ne savent plus comment réagir, car s'ils refusent, ils les menacent. Si vous pouvez leur donner un conseil, Inch'Allah Ta'ala, barakallahu fikoum, un homme du musulman. Non, mais il n'y a pas de problème, Inch'Allah, Akhi Ahlu Sunnah. Si l'enfant n'est pas encore assez conscient, pour qu'il n'apprenne pas des choses mauvaises, etc., il est très jeune, il ne sait pas ce qui se passe. Par exemple, quand il a 2 ans, 3 ans, celui-là, il joue seulement, il ne fait pas la différence. Ça, c'est de l'alcool, etc. Quand il est conscient, justement, il y a le mouchkila. Quand il est conscient, même si on est obligé de le de le laisser pour ne pas rentrer dans de gros problèmes, la prison ou là je ne sais pas quoi. Dans ce cas, il faut lui faire beaucoup de doros avant de l'emmener et beaucoup de doros pour lui effacer. Beaucoup de doros avant, beaucoup de doros après. Parce que Allah Ta'ala alam, yani, il n'y a plus de solution si ce n'est, je ne sais pas, la prison ou là, ils vont les faire divorcer, je ne sais pas, les lois des Kuffarado. Donc, la conclusion, c'est que quoi? C'est que Akhi al-Sunnah, voilà l'une des mauvais résultats quand on vit dans un pays de kofre. C'est pour ça on nous est demandé d'essayer de quitter le pays de kofre là-bas, le plus tôt possible dès que l'occasion se présente. Moi, je ne sais pas, je ne peux pas leur dire de ne pas le laisser aller. Maintenant, ils essaient, par exemple, s'ils peuvent, ils essaient de ne pas laisser aller et ils voient. Est-ce que vraiment ils vont faire quelque chose ou là ils vont pas faire? Yani, on va pas le donner comme ça facilement. On va essayer de ne pas le donner et voir. Là, ils l'ont déjà fait. Maintenant, s'ils savent que ils vont les faire entrer dans de grands problèmes, dans de gros problèmes, je crois que ils n'ont pas de solution. Je crois que ils n'ont pas de solution que de lui faire des doros et d'essayer, comme j'ai dit, la grande solution. C'est d'essayer de quitter, Inch'Allah Ta'ala, le plus tôt possible, si c'est possible, bien sûr, le plus tôt possible. Par cela, Allah, je ne sais pas quoi leur dire, je ne sais pas quoi leur dire. Allah Ta'ala, Allah yajazik khair, Allah yajazik khair. Salam alaikum, je vous avais posé la question qui est interdite sur la main entre femmes. Vous m'avez dit que vous feriez une recherche avec une réponse. Omar Abdelrahman, je ne sais pas, peut-être que tu n'as pas entendu la réponse, mais la réponse, je l'ai dite, c'était juste hier ou l'avant-hier, avant-hier. C'était juste hier ou l'avant-hier. J'avais dit que il n'était pas interdit de se serrer la main, que par contre, si tu serres la main entre femmes, tu as fait une sunna. Et j'avais bien expliqué qu'il y a un hadith qui dit, quand deux gens se rencontrent, que ce soit des hommes ou des femmes, ils se rencontrent, ils se serrent la main, les zoulous, les péchés commencent à tomber jusqu'à ce que l'un des deux, yani, fasse enlever sa main. Quand on se rencontre avec quelqu'un, la sunna, la vraie, c'est de le musafaha, c'est de se serrer la main. C'est ça la vraie sunna. Maintenant, si cette personne, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue, par exemple, elle était en voyage ou elle habite à la même ville, mais ça fait longtemps qu'on ne l'a pas vue. Celle-là, quand on la rencontre, on peut l'enlacer. On peut l'enlacer. Et la sunna, c'est quand on rencontre quelqu'un, homme avec homme, femme avec femme, on se serre la main. C'est les zonobles, les péchés qui commencent à tomber jusqu'à ce qu'on enlève les deux mains. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.